sur une chanson à associer avec quelque chose ou quelqu'un, presse sur B, quand je te le dirai. Si tu aimerais une question sur les arbres, oui, les arbres, presse sur C, quand je te le dirai. S'il te plaît, choisis entre A, B ou C. Maintenant. Mon stock de mémoire me dit que tu as pressé sur C. Voilà donc ta question sur les arbres. J'aime bien les arbres, à part qu'un jour je me suis fait défoncer la tête par une feuille qui tombait. Soyons sérieux, voilà ta question. Comment peux-tu savoir l'âge d'un arbre? Question intéressante. Comme en qualité d'unité biologique, tu nous as déjà démontré ton intelligence supérieure, je vais te donner seulement deux choix. On peut savoir l'âge d'un arbre en A, le demandant, ou B, en comptant les lignes qui se trouvent sur la partie sectionnée du tronc. S'il te plaît, réponds A ou B maintenant. Je crois que je bourdonnerai avant de te donner la réponse. Et j'aime beaucoup travailler avec toi pour qu'on s'amuse ensemble. Très intéressant, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Très, très intéressant. Je vais vérifier. Voyons donc. Je vais vérifier pendant un moment ce qui se passe dans mon stock de mémoire. Cela n'entre pas dans mon ordinateur. Non, cela n'entre pas. Tu devais simplement faire un choix entre A ou B. Je ne sais pour quelle raison au monde tu as choisi C. Cela n'entre pas dans mon ordinateur. À l'avenir, suis, s'il te plaît, mes instructions. Que je suis en train de me fatiguer. Avant que tu finisses ce programme, j'ai quelque chose à te dire. Rappelle-toi ceci. La prochaine fois que tu joues ce programme, presse sur différents boutons réponses. Et ainsi, j'aurai plus de chances de te poser différentes questions. J'ai passé un bon moment à travailler avec toi. Je te remercie beaucoup de cette chance. S'il te plaît, débranche-moi maintenant.